Chapitre 56 Des essais de Montaigne, livre 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1er, chapitre 56 Des prières. Je propose des fantaisies informes et irrésolues, comme font ceux qui publient des questions douteuses à débattre aux écoles, non pour établir la vérité, mais pour la chercher, et les soumet au jugement de ceux à qui il touche de régler non seulement mes actions et mes écrits, mais encore mes pensées. Également, m'en sera acceptable et utile la condamnation comme l'approbation, tenant pour absurde et impie, si rien se rencontre ignoramment ou inadvertamment couché en cette rhapsodie, contraire aux saintes résolutions et prescriptions de l'Église catholique, apostolique et romaine en laquelle je meurs et en laquelle je suis né, et pourtant me remettant toujours à l'autorité de leur censure, qui peut tout sur moi, je me mêle ainsi témérairement à toutes sortes de propos, comme ici. Je ne sais si je me trompe, mais puisque par une faveur particulière de la bonté divine, certaines façons de prière nous a été prescrites et dictées mot à mot par la bouche de Dieu, il m'a toujours semblé que nous en devions avoir l'usage plus ordinaire que nous n'avons. Et si j'en étais cru, à l'entrée et à l'issue de nos tables, à notre lever et coucher, et à toutes actions particulières auxquelles on a accoutumé de mêler des prières, je voudrais que ce fût le Paternostre que les chrétiens y employassent, sinon seulement, au moins toujours. L'Église peut étendre et diversifier les prières selon le besoin de notre instruction, car je sais bien que c'est toujours même substance et même chose. Mais on devait donner à celle-là ce privilège que le peuple lui continuellement en la bouche, car il est certain qu'elle dit tout ce qu'il faut et qu'elle est très propre à toute occasion. C'est l'unique prière de quoi je me sers partout et la répète au lieu d'en changer, d'où il advient que je n'en ai aussi bien en mémoire que celle-là. J'avais présentement en la pensée d'où nous venait cette erreur de recourir à Dieu en tous nos desseins et entreprises, et l'appeler à toutes sortes de besoins et en quelques lieux que notre faiblesse veut de l'aide, sans considérer si l'occasion est juste ou injuste, et de écrier son nom et sa puissance en quelque état et action que nous soyons, pour vicieuse qu'elle soit. Il est bien notre seul et unique protecteur et peut toutes choses à nous aider. Mais encore, il daigne nous honorer de cette douce alliance paternelle. Il est pourtant autant juste comme il est bon et comme il est puissant. Mais il use bien plus souvent de sa justice que de son pouvoir et nous favorise, selon la raison, dit celle, non selon nos demandes. Platon, en ses lois, fait trois sortes d'injurieuses créances des dieux. Qu'il n'y en ait point, qu'ils ne se mêlent pas de nos affaires, qu'ils ne refusent rien à nos vœux, offrandes et sacrifices. La première erreur, selon son avis, ne dura jamais immuable en homme, depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse. Les deux suivantes peuvent souffrir de la constance. Sa justice et sa puissance sont inséparables. Pour néant, implorons-nous sa force en une mauvaise cause. Il faut avoir l'âme nette, au moins en ce moment auquel nous le prions, et déchargée de passions vicieuses. Autrement, nous lui présentons nous-mêmes les verges de quoi nous châtier. Au lieu de rhabiller notre faute, nous la redoublons, présentant à celui à qui nous avons à demander pardon une affection pleine d'irrévérence et de haine. Voilà pourquoi je ne loue pas volontiers ceux que je vois prier Dieu plus souvent et plus ordinairement si les actions voisines de la prière ne me témoignent quelque amendement et réformation. Si nocturnos adulter, Tempora Santonico velas ad operta cuculo. Et l'assiette d'un homme mêlant à une vie exécrable la dévotion semble être aucunement plus condamnable que celle d'un homme conforme à soi et dissolu partout. Pourtant, refuse notre Église tous les jours la faveur de son entrée et société aux mœurs obstinées à quelque insigne malice. Nous prions par usage et par coutume, ou, pour mieux dire, nous lisons ou prononçons nos prières. Ce n'est enfin que mine, et me déplaît de voir faire trois signes de croix aux bénédicités, autant à grâce, et plus m'en déplaît, il est de ce que c'est un signe que j'ai en référence et continuel usage, mêmement quand je baille. Et cependant, toutes les autres heures du jour, les voir occupées à la haine, l'avarice, l'injustice, au vice, leur heure, son heure à Dieu, comme par compensation et composition. C'est miracle de voir continuer des actions si diverses d'une si pareille teneur qu'il ne s'y tente point d'interruption et d'altération aux confins même et passage de l'une à l'autre. Quelle prodigieuse conscience se peut donner repos, nourrissant ce même gîte d'une société si accordante et si paisible, le crime et le juge? Un homme de qui la paillardise sans cesse régente la tête et qui la juge très odieuse à la vue divine, que dit-il à Dieu quand il lui en parle? Il se ramène, mais soudain, il rechoit. Si l'objet de la divine justice et sa présence frappaient, comme il dit, et châtiaient son âme, pour courte qu'en fût la pénitence, la crainte même y rejetterait si souvent sa pensée qu'incontinent il se verrait maître de ces vices qui sont habitués et acharnés en lui. Mais quoi? Ceux qui couchent une vie entière sur le fruit et émolument du péché qu'ils savent mortel? Combien avons-nous de métiers et vacations reçus? De quoi l'essence est vicieuse? Et celui qui, se confessant à moi, me récitait avoir tout un âge fait profession et les effets d'une religion damnable selon lui et contradictoire à celle qu'il avait en son cœur pour ne perdre son crédit et l'honneur de ses charges, comment bâtissait-il ce discours en son courage? De quel langage entretiennent-ils sur le sujet la justice divine? Leur repentance consistant en visible et maniable réparation, ils perdent et envers Dieu et envers nous le moyen de l'alléguer. Sont-ils si hardis de demander pardon, sans satisfaction et sans repentance? Je tiens que de ces premiers. Il en va comme de ceux, ici, mais l'obstination n'y est pas si aisée à convaincre. Cette contrariété et volubilité d'opinions si soudaines, si violentes qui nous feignent, sans pour moi son miracle, et nous représente l'état d'une indigestible agonie. Quelle imagination me semblait fantastique de ceux qui, ces années passées, avaient en usage de reprocher à chacun en qui il reluisait quelque clarté d'esprit, professant la religion catholique, que c'était à feinte, et tenait même, pour lui faire honneur, quoi qu'il dit par apparence, qui ne pouvaient faillir au-dedans d'avoir sa créance réformée à leurs pieds. Fâcheuse maladie de se croire si fort qu'on se persuade d'un tel esprit qu'il préfère je ne sais quelle disparité de fortune présente aux espérances et menaces de la vie éternelle. Ils m'en peuvent croire. Si rien ne dut tenter ma jeunesse, l'ambition du hasard et de la difficulté qui suivait cette récente entreprise y eut bonne part. Ce n'est pas sans grande raison, ce me semble, que l'Église défend l'usage promiscu, téméraire et indiscret des saintes et divines chansons que le Saint-Esprit a dictées en David. Il ne faut pas mêler Dieu en nos actions qu'avec révérence et attention, pleine d'honneur et de respect. Cette voix est trop divine pour n'avoir autre usage que d'exercer les poumons et plaire à nos oreilles. C'est de la conscience qu'elle doit être produite, et non pas de la langue. Ce n'est pas raison qu'on permette qu'un garçon de boutique, parmi ses vains et frivoles pansements, s'y entretienne et s'en joue. ni n'est certes raison de voir tracasser par une salle et par une cuisine le saint livre des sacrés mystères de notre créance. C'était autrefois mystère, ce sont à présent déduits et ébats. Ce n'est pas en passant et tumultuairement qu'il faut manier une étude si sérieuse et vénérable. Ce doit être une action destinée et racise à laquelle on doit toujours ajuster cette préface de notre office, sursum corda, et y apporter le corps même disposé en contenance qui témoigne une particulière attention et révérence. Ce n'est pas l'étude de tout le monde, c'est l'étude des personnes qui y sont vouées, que Dieu y appelle. Les méchants, les ignorants, s'y empirent. Ce n'est pas une histoire à conter, c'est une histoire à révérer, craindre et adorer. Plaisantes gens qui pensent l'avoir rendue palpable au peuple pour l'avoir mise en langage populaire. Ne tiennent-ils qu'aux mots, qui n'entendent tout ce qu'ils trouvent par écrit? Dirais-je plus? Pour l'en approcher de ce peu, ils en reculent. L'ignorance pure et remise tout en autrui était bien plus salutaire et plus savante que n'est cette science verbale et vaine nourrie ses présomptions et témérité. Je crois aussi que la liberté à chacun de dissiper une parole si religieuse et importante à tant de sortes d'idiomes a beaucoup plus de danger que d'utilité. Les Juifs, les Mahométans et quasi tous les autres ont épousé et révèrent le langage auquel originellement leur mystère avait été conçu, et en est défendu l'altération et changement non sans apparence. Savons-nous bien qu'en Basque et en Bretagne, il y ait des juges assez pour établir cette traduction faite en leur langue? L'Église universelle n'a point de jugement plus ardu à faire et plus solennel. En prêchant et parlant, l'interprétation est vague, libre, muable, et d'une parcelle, ainsi, ce n'est pas de même. L'un de nos historiens grecs accuse justement son siècle de ce que les secrets de la religion chrétienne étaient épandus et mis à place, et main des moindres artisans, que chacun en pouvait débattre et dire selon son sens, et que ce nous devait être grande honte, nous qui, par la grâce de Dieu, jouissons des purs mystères de la piété, de les laisser profaner en la bouche de personnes ignorantes et populaires, vu que les gentils interdisaient à Socrate, à Platon et aux plus sages de s'enquérir et parler des choses commises aux prêtres de Delphes. Dit aussi que les factions des princes, sur le sujet de la théologie, sont armées, non de zèle, mais de colère, que les ailes tiennent de la divine raison et justice, se conduisant ordonnément et modérément, mais qu'ils se changent en haine et envie, et produisent, au lieu de froment et de raisin, de l'ivroi et des orties, quand il est conduit d'une passion humaine. Et justement aussi, cet autre, conseillant l'empereur Théodose, disait les disputes n'endormir pas tant les schismes de l'Église que de les éveiller et animer les hérésies, que pourtant il fallait fuir toute contention et argumentation dialectique et se rapporter nuement aux prescriptions et formules de la foi établies par les anciens. Et l'empereur Andronicus, ayant rencontré en son palais les principaux hommes aux prises de parole contre l'Apodius sur un de nos points de grande importance, les Tensa, jusqu'à menacer de les jeter en la rivière s'ils continuaient. Les enfants et les femmes en nos jours régentent les hommes plus vieux et expérimentés sur les lois ecclésiastiques. Là où la première de celles de Platon leur défend de s'enquérir seulement de la raison des lois civiles, qui doivent tenir lieu d'ordonnances divines et permettant aux vieux d'en communiquer entre eux, et avec le magistrat, il ajuste, pourvu que ce ne soit pas en présence des jeunes et personnes profanes. Un évêque a laissé par écrit qu'en l'autre bout du monde, il y a une île que les anciens nommaient Dioscoride, commode en fertilité de toutes sortes d'arbres, fruits et salubrité d'air, de laquelle le peuple est chrétien, ayant des églises et des autels qui ne sont parés que de croix sans autres images. grand observateur de jeûnes et de fêtes, exact payeur de dîmes aux prêtres, et si chaste que nul d'eux ne peut connaître qu'une femme en sa vie. Au demeurant, si content de sa fortune qu'au milieu de la mer il ignore l'usage des navires, et si simple que de la religion il observe si soigneusement, il n'entend un seul mot, chose incroyable à qui ne sauraient les païens, si dévots idolâtres, ne connaître de leur dieu que simplement le nom et la statue. L'ancien commencement de Ménalip, tragédie d'Euripide, portait ainsi. Ô Jupiter, car de toi rien sinon, je ne connais seulement que le nom. J'ai vu aussi de mon temps faire plainte d'aucun écrit de ce qu'ils ont purement humain et philosophique, sans mélange de théologie. Qui dirait au contraire, ce ne serait pourtant sans quelque raison, que la doctrine divine tient mieux son rang à part comme reine et dominatrice, qu'elle doit être principale partout, point suffragante et subsidiaire, et qu'à l'aventure se prendraient les exemples à la grammaire rhétorique logique plus sortablement d'ailleurs que d'une si sainte matière, comme aussi les arguments des théâtres, jeux et spectacles publics. Que les raisons divines se considèrent plus vénérablement et révérément seules et en leur style qu'appariées au discours humain. Qu'ils se voient plus souvent cette faute que les théologiens écrivent trop humainement, que cette autre que les humanistes écrivent trop peu théologalement. La philosophie, dit saint Chrysostome, est pièce bannie de l'école sainte, conservante inutile et estimée indigne de voir seulement en passant de l'entrée le sacraire des saints trésors de la doctrine céleste. Que le dire humain a ses formes plus basses et ne doit servir de la dignité, majesté, régence du parler divin. Je lui laisse pour moi dire verbis indisciplinatis, fortune, destinée, accident, heure et malheur, et les dieux et autres phrases selon sa mode. Je propose les fantaisies humaines et miennes, simplement comme humaines fantaisies, et séparément considérées, non comme arrêtées et réglées par l'ordonnance céleste, incapable de doute et d'altercation, matière d'opinion, non matière de foi. Ce que je discours selon moi, non ce que je crois selon Dieu. D'une façon laïque, non cléricale, mais toujours très religieuse, comme les enfants proposent leurs essais, instruisables, non instruisants. Et ne dirait-on pas aussi en apparence que l'ordonnance de ne s'entremettre que bien réservément d'écrire de la religion à tout autre qu'à ceux qui en font l'express profession n'aurait pas faute de quelques images d'utilité et de justice? Et à moi, avec peut-être de mentaire, on m'a dit que ceux-mêmes qui ne sont pas des nôtres défendent pourtant entre eux l'usage du nom de Dieu en leurs propos communs. Ils ne veulent pas qu'on s'en serve par une manière d'interjection ou d'exclamation, ni pour témoignage, ni pour comparaison, en quoi je trouve qu'ils ont raison, et en quelque manière que ce soit que nous appelons Dieu à notre commerce et société, il faut que ce soit sérieusement et religieusement. Il y a, ce me semble en Xénophon, un tel discours où il montre que nous devons plus rarement prier Dieu, d'autant qu'il n'est pas aisé que nous puissions si souvent remettre notre âme en cette assiette réglée, réformée et dévotieuse où il faut qu'elle soit pour se faire. Autrement, nos prières ne sont pas seulement vaines et inutiles, mais vicieuses. Pardonne-nous, disons-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que disons-nous par là? Sinon que nous lui offrons notre âme exempte de vengeance et de rancune? Toutefois, nous invoquons Dieu et son aide au complot de nos fautes, et le convions à la justice. Quae nisi seductis neques comitere divis. L'avaricieux le prie pour la conservation vaine et superflue de ses trésors. L'ambitieux pour ses victoires et conduite de sa fortune. Le voleur l'emploie à son aide pour franchir le hasard et les difficultés qui s'opposent à l'exécution de ses méchantes entreprises, ou le remercie de l'aisance qu'il a trouvée à dégosiller un passant au pied de la maison qu'ils vont échelonner ou pétarder. Ils font leur prière, l'intention et l'espérance pleines de cruauté, de luxure et d'avarice. Hoc ipsum quoto Jovis orem impellere tentas, dic agedum stao pro Jupiter, o bene clamet Jupiter, a cese non clamet Jupiter ipse. La reine de Navarre, Marguerite, récite d'un jeune prince, et encore qu'elle ne le nomme pas, sa grandeur l'a rendu reconnaissable assez, qu'Alan a une assignation amoureuse et couché avec la femme d'un avocat de Paris, son chemin s'adonnant au travers d'une église, il ne passait jamais en ce lieu saint, allant ou retournant de son entreprise, qu'il ne fît ses prières et oraisons. Je vous laisse à juger, l'âme pleine de ce beau pansement, à quoi il employait la faveur divine. Toutefois, elle allègue cela pour un témoignage de singulière dévotion. Mais ce n'est pas par cette preuve seulement qu'on pourrait vérifier que les femmes ne sont guère propres à traiter les matières de la théologie. Une vraie prière et une religieuse réconciliation de nous à Dieu, elle ne peut tomber en une âme impure et soumise, lors même à la domination de Satan. Celui qui appelle Dieu à son assistance, pendant qu'il est dans le train du vice, il fait comme le coupeur de bourse qui appellerait la justice à son aide, ou comme ceux qui produisent le nom de Dieu en témoignage de mensonge. Tacito mala vota susurro concipimus. Il est peu d'hommes qui osassent mettre en évidence les requêtes secrètes qu'ils font à Dieu. Aut quivis promptum est, murmurque, humiliesque susurrus, tolere de templis, et aperto vivero voto. Voilà pourquoi les Pythagoriens voulaient qu'elles fussent publiques et ouïes d'un chacun, afin qu'on ne le requît de choses indécentes et injustes comme celui-là. Clara quum dixit Apollo. Labra movet me tuens audiri. Pulcra laverna da mihi fallere, da justum sanctum que videri. Noctem peccatis et fraudibus obice nubem. Les dieux punirent grièvement les iniques vœux d'Oedipus, en les lui octroyant. Il avait prié que ses enfants vidassent entre eux, par armes, la succession de son état. Il fut si misérable de se voir pris au mot. Il ne faut pas demander que toute chose suive notre volonté, mais qu'elle suive la prudence. Il semble, à la vérité, que nous nous servons de nos prières comme d'un jargon, et comme ceux qui emploient les paroles saintes et divines à des sorcelleries et effets magiciens, et que nous fassions notre compte que ce soit de la contexture, ou son, ou suite des mots, ou de notre contenance, que dépendent leur effet. Car, ayant l'âme pleine de concupiscence, non touchée de repentance ni d'aucune nouvelle et réconciliation envers Dieu, nous lui allons présenter ces paroles que la mémoire prête à notre langue et espérons en tirer une expiation de nos fautes. Il n'est rien de si aisé, si doux et si favorable que la loi divine. Elle nous appelle à soi, ainsi fautiers et détestables comme nous sommes. Elle nous tend les bras et nous reçoit en son giron pour vilains, hors et bourbeux que nous soyons et que nous ayons à être à l'avenir. Mais encore, en récompense, la faut-il regarder de bon œil. Encore, faut-il recevoir ce pardon avec action de grâce et au moins, pour cet instant que nous nous adressons à elle, avoir l'âme déplaisante de ses fautes et ennemie des passions qui nous ont poussés à l'offenser. Ni les dieux, ni les gens de bien, dit Platon, n'acceptent le présent d'un méchant. Immunis aram se te tigit manus, non sumptuosa blandior ostia, molivit averso penates fare pio et salient amica. Fin du chapitre 56, lu par Agnès, Obi 2024.